Mais que fait la police hein? Situation extrême. Je te dérange, Philippe? Je vais pas de perdre non, peut-être leur statut, gens, non? Le statut. De craindre de perdre leur emploi, puisque. Et voilà, voilà, voilà. Je voudrais que vous nous racontiez pour quelle raison, finalement, vous avez. Le dernier Obispo dans les chaumières. Mais c'est plus que ça. Le directement remixé par DJ Zebro. Ouais.